Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la pleine lune qui va se produire donc prochainement en avril 2023. Elle va se produire le jeudi 6 avril, je l'ai là sous les yeux, à 4h36 GMT, c'est-à-dire plus ou moins à 6h36 en France, et elle se produira à 16 degrés du signe de la balance. Alors, cette pleine lune d'avril, elle est aussi nommée la lune rose. Alors, c'est un nom que l'on donne à la pleine lune d'avril. C'est vrai qu'elle ne sera pas rose, mais cela est en hommage au printemps et aux fleurs. Donc, lorsqu'une pleine lune en balance se crée, le soleil est en bélier, et juste en face, vous avez la lune au degré près sur le zodiaque, donc en balance. Et c'est une opposition Soleil-Lune, qui représente donc une pleine lune. Donc c'est vrai que la pleine lune en balance, elle se situe dans l'axe 1 et 7. L'axe 1, le soleil se situe en bélier, qui correspond à l'axe 1, et la lune se situe en balance, qui correspond à la maison astrologique 7, donc on est dans l'axe 1-7. Pourquoi je dis cela ? Parce que la maison 1, c'est vrai que c'est la maison du moi profond, et la maison 7, c'est la maison de moi plus l'autre, c'est la maison de ma relation à l'autre. Et c'est vrai que, donc ici, la maison 7, elle est principalement liée au couple, si on parle du secteur privé, et elle est liée au niveau socio-professionnel, à tout ce qui est collaborateur, mais plutôt vraiment associé au travail ou en affaires. Et donc, c'est la maison à la fois des mariages et des contrats. Donc, pourquoi je vous parle de la maison 7? Puisque la pleine lune se situe en balance, qui est en lien avec cette maison 7. Quoi d'autre? La pleine lune en balance, souvent, elle nous incite à faire le point donc sur nos engagements, sur les responsabilités que nous avons du coup envers les autres et envers ceux avec qui nous sommes liés. Et c'est vrai qu'on est liés donc du coup par amour, par contrat, et donc c'est vrai que cette lune, elle nous impose de faire un petit peu la mise au point par rapport à tout cela. Alors la pleine lune en balance, donc qui nous incite à faire un petit bilan relationnel, va nous aider du coup à définir ce qui fonctionne avec l'autre, avec les autres, et si c'est nécessaire, ce sera le moment du coup de changer, de modifier ce qui ne va pas. Donc, cette pleine lune en balance, pour en revenir toujours, concentrons-nous sur la pleine lune en balance, elle nous donne en général, la pleine lune en balance, la possibilité de trouver l'équilibre, de nous libérer de ce qui nous pèse, pour atteindre nos buts. Donc lors de cette pleine lune rose, eh bien n'hésitez pas non plus à vous nettoyer énergétiquement afin d'oublier le stress qui a été accumulé ces derniers temps, surtout lors de l'hiver. Et donc c'est vraiment une bonne période pour repartir avec de nouvelles énergies printanières. Alors maintenant, c'est pas fini, hein, parce que là maintenant on va se concentrer plus principalement sur cette pleine lune du 6 avril 2023. Donc quand on regarde ce ciel du 6 avril, parce qu'évidemment on a une pleine lune en balance, soleil, lune en opposition, mais tout autour, eh bien les planètes elles sont différentes d'une pleine lune à l'autre. Et donc ce 6 avril 2023, eh bien on voit que la pleine lune, dans cette pleine lune en balance, le soleil qui est en bélier, il est conjoint à Jupiter. Donc la conjonction exacte entre le Soleil et Jupiter aura lieu le 11 avril, donc quelques jours plus tard. Donc on a le Soleil là, on a Jupiter juste à côté qui est collé. En fait cela nous donne plus, comment dire, beaucoup d'énergie, beaucoup de satisfaction, et Jupiter peut nous apporter une chance à saisir, soit aussi tout simplement des moments qui sont vraiment très enthousiasmants à vivre. Alors, entre le 6 et le 11, du coup, eh bien, l'optimisme et la confiance en nous seront renforcés. Cette pleine lune, elle va donc s'avérer normalement plutôt positive. Elle va nous engager, elle va nous engager sur de bonnes voies et nous permettre de grandes réalisations. Donc la pleine lune ici peut nous apporter aussi, pourquoi pas, une bonne nouvelle professionnelle. Et on peut donc bénéficier d'un nouveau partenariat, obtenir un nouveau soutien aussi, pourquoi pas. Un contrat pourrait aboutir également. Alors en privé, on n'est pas loin des demandes en mariage, c'est une possibilité. Le besoin tout simplement aussi d'officialiser une relation amoureuse d'une autre façon, et puis ça peut également nous donner l'envie, bah, tout simplement de fêter notre amour d'une façon ou d'une autre, de fêter nos relations affectives. Et pour les célibataires, eh bien ici c'est quand même très intéressant par rapport à une rencontre sentimentale qui pourrait se produire. Si vraiment on a le cœur ouvert à ce moment-là, il y a beaucoup de possibilités. Alors, toutefois, alors c'est vrai que le conseil, il y a un conseil quand même dans cette pleine lune, il y a un conseil à suivre, je dirais, c'est de ne pas attendre que tout nous tombe tout cuit dans l'assiette, comme on dit, parce que en fait, c'est une pleine lune d'action. Donc là, c'est vrai que si je me reconcentre ici sur la carte du ciel de cette pleine lune, elle nous demande de nous bouger, d'être actif, d'être réactif, de ne pas attendre comme cela que les choses nous tombent du ciel. Donc, on devrait en plus, en agissant pour réaliser nos desseins, nos vœux, être assez efficace. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a Mars qui est la planète d'action, Saturne, celle de la détermination, et Mercure, qui représente la réflexion, eh bien, qui sont bien reliés dans ce ciel de pleine lune. Il faut noter aussi donc que Mars, c'est vrai qu'il est bien relié à Mercure, mais aussi aux nœuds nord qui sont en taureau, Mercure et nœuds nord sont en taureau, et cela vraiment devrait nous encourager à démarcher, à trouver les bons arguments aussi, et surtout les bons outils pour atteindre nos buts, tout simplement. C'est vrai que j'avais remarqué également que durant cette pleine lune, un côté positif aussi saute aux yeux, c'est que toutes les planètes sont directes. À ce moment-là, il n'y a pas de planète rétrograde, donc normalement rien ne vient freiner nos avancées. Que de bonnes nouvelles. Alors si, il y a peut-être un petit bémol, c'est que Pluton, eh bien lui, dans ce ciel de pleine lune, il y a Pluton qui est carré, donc mal relié, qui est en tension avec ce Mercure nœud nord. Ici, je dirais que du coup, eh bien, il faut quand même faire attention à notre manière de communiquer. Ici, Pluton, il nous impose de communiquer avec précision, d'opter pour une communication directe plutôt que les messageries ou autres. Et cela devrait nous éviter du coup une mauvaise compréhension dans nos échanges, une mauvaise compréhension qui pourrait engendrer des petits conflits ou faire capoter justement nos entreprises. Donc, allons droit au but et de manière directe, et en évitant aussi trop d'intermédiaires. Voilà. Alors, tout le monde est concerné par cette pleine lune, mais les signes, donc les plus touchés par la pleine lune en balance, cette fois-ci, sont la balance, bien sûr. En face, on a les béliers. Au carré, on a les cancers et les capricornes. Et bien reliés, on a les gémeaux, les verseaux, les lions et les sagittaires. Mais vous serez aussi concernés, un peu plus sensibles par cette pleine lune, si votre ascendant ou votre lune se trouve dans l'un de ces signes. Alors, on ne va pas oublier les autres signes et on a établi là un petit horoscope plutôt positif pour rester dans la bonne humeur, donc concernant les 12 signes. Alors, bélier, eh bien, la pleine lune, elle travaille plutôt à la réussite de vos projets, qu'ils soient privés, professionnels, donc battez le fer tant qu'il est chaud. Taureau, la pleine lune, elle améliore votre forme, votre santé, elle gonfle votre morale, donc profitez-en pour rebondir. Gémeaux, la pleine lune, elle vous met en joie. Et c'est vrai qu'une rencontre ou bien des retrouvailles amicales ou encore une collaboration professionnelle sympathique devrait vous motiver. Cancer, la pleine lune, elle peut vous annoncer une nouvelle familiale ou amener beaucoup de joie sous votre toit, tout simplement. Lion, la pleine lune, elle booste votre volonté professionnelle et elle stimule votre sens relationnel. Donc, ne restez surtout pas cloîtrés chez vous. Alors, Vierge, la pleine lune peut faire évoluer votre situation financière. Un contrat, peut-être aussi une rentrée d'argent, de bonnes affaires en tout cas, sont probables. Pour les balances, eh bien, tout vous réussit sous cette pleine lune en balance, quel que soit le domaine que vous visez. Donc, vos désirs sont des ordres. Alors, Scorpion, la pleine lune, elle vous apporte une lumière exceptionnelle dans votre existence, surtout si votre morale était en berne. Alors, vive le printemps. Sagittaire, la pleine lune, elle réveille votre âme d'enfant. Tout vous amuse, tout vous intrigue. Et donc, souriez à la vie et gardez surtout ce bel esprit de découverte. Alors, pour les Capricornes, eh bien, la pleine lune, elle devrait vous soulager, elle devrait vous apporter une solution professionnelle ou familiale selon vos priorités actuelles. Alors, pour les Verseaux, la pleine lune, elle vous propose normalement de l'amour si vous êtes seul et en duo, eh bien, c'est le moment de repartir en second voyage de noces. Et enfin, pour les Poissons, la pleine lune, elle peut vous pousser à effectuer un achat important. Donc, c'est le bon moment. Normalement, vous ne devriez pas vous tromper dans l'investissement. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune. Continuez à profiter de ce printemps et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la nouvelle lune. À bientôt!